ensemble, simplement pour s'assurer que tout est fait dans le respect des lois de ce pays. À demain pour nos deux heures de dialogue. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos avec David Riffon. Bonjour David. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Toujours le blocage au niveau du budget fédéral. Des contacts ont eu lieu ce matin entre le Premier ministre et les responsables des différents partis de la majorité pour trouver un accord avant de reprendre les discussions avec cette fois l'ensemble des ministres. Mais on ignore précisément à quelle heure les débats vont reprendre en Cairn. Votre déclaration d'impôt pourrait être davantage encore pré-remplie à l'avenir, notamment en ce qui concerne votre crédit hypothécaire. Le fisc et les banques vont échanger des informations pour remplir à l'avance ces données. Un projet de loi est en préparation, c'est ce que précisent ce matin les quotidiens L'Écho et de Tate. Les sections sur les dépenses pour crédit restaient jusqu'ici vierges et c'était à vous de les remplir. Il s'agit pour la plupart des contribuables l'un des avantages fiscaux les plus importants, les crédits hypothécaires. Le premier échange entre les banques et le fisc est prévu pour 2017 pour les paiements de crédits hypothécaires et d'assurance vie réalisés cette année en 2016. Le groupe Samsung et ses déboires liés à la fin de la commercialisation de son Galaxy Note 7, cela se poursuit. Samsung baisse de 33,3%, un tiers donc ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre de cette année. Ce matin, l'action a une nouvelle fois plongé à la bourse de Corée après une chute de 8% hier. Le manque à gagner lié à l'arrêt de la production du Galaxy Note 7 se chiffre à 15 milliards d'euros. On a appris ce matin le décès de Georges Désir, l'ancien bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, s'est éteint à l'âge de 91 ans. L'homme politique fut aussi un homme de télé à la RTBF. Il avait produit et présenté la célèbre émission Visa pour le Monde jusqu'en 1977. En tennis, David Goffin est qualifié pour le troisième tour du tournoi de Shanghai. Il a éliminé Benoît Paire et rencontrera un autre Français au tour suivant, Gaël Monfils, huitième joueur mondial. Chez les dames, Kirsten Flipkens doit affronter en fin de matinée la luxembourgeoise Mandy Minella au premier tour du tournoi de Linz, c'est en Autriche. La météo, beaucoup moins de soleil aujourd'hui, vous le constatez, le ciel est couvert et des averses vont parcourir le pays d'est en ouest. Pas plus de 8 à 12 degrés pour les maxima, un vent modéré va encore renforcer cette sensation de fraîcheur. RTBF Mobile Info, Caroline Gillet, les derniers ralentissements vers la capitale. Exactement, sur le 40 qui vient de Gand, entre Ternat et Grand-Bigard, le 411 de Namur entre Vereys et Léonard. Mais vous perdez à présent moins d'une dizaine de minutes. Sur le Ring, c'est beaucoup plus calme également. Moins de 10 minutes perdues, que ce soit en intérieur entre Grand-Bigard et Zaventem ou en extérieur entre Zaventem et Grand-Bigard. Et puis, les dernières files aussi dans le centre-ville de Bruxelles entre les tunnels Léopold II et Arlois vers le midi. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bonne matinée à l'écoute dans N'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux et son équipe. Merci David, retour de l'info à midi. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Alors c'est qui? Qui a pris quoi? Qui a gagné au loto, à l'euro-million? Et il y a des gens qui sont pas encore arrivés, c'est peut-être eux. Et donc on rappelle qu'une personne a gagné 168 millions d'euros. Et c'est un Belge, et c'est un Bruxellois paraît-il. Zut, c'est pas moi. Bon, tant pis, écoutez, on va encore devoir travailler pendant quelques années. Au programme de ces deux heures, il y a, dans les journaux du groupe Sud Presse, aujourd'hui on parle de lessive, tiens. Oui, vous savez qu'en moyenne, un Belge lave son linge à 41 degrés. Ah, ok, précis ça. Oui, eh ben c'est trop. Mais pour, comment on arrive à faire des moyennes? Parce que sur les machines, c'est 30... 40, 60, c'est, eh bien, pas 41, suis, c'est pas possible. Je me suis posé la question parce que normalement c'est tout des multiples mais de oui. 10. Il n'y a pas 95? Mais si. Il y a certaines machines, ça monte jusque 95, c'est vrai. Bon, Isabelle, on a décidé de prendre le train aujourd'hui, mais on va se la payer. Ah, c'est vous en fait, parce que vous prenez le train en première classe. Écoutez, vu mon âge, Sébastien, moi j'aime bien avoir une place assise quand je suis dans le train. Et quasi le seul moyen d'être assis aujourd'hui le matin aux heures de pointe, ben, c'est en première classe qu'il y a de la place. On vous pose une question, tiens, là-dessus, sur la page Facebook. Oui, on vous demande. demande si c'est utile ou pas la première classe, si ça coûte trop cher. Bref, dites-nous tout ce que vous pensez sur la première classe sur notre page Facebook. Laurent l'a déjà fait et nous dit que ça doit encore exister. Beaucoup de voyageurs la choisissent pour y trouver du calme, pour y travailler durant leur trajet, pour décompresser au calme après une journée stressante. Vous pouvez aussi nous dire tout ça par mail, pigeonpluriel@rtbf.be. Anne-Laure viendra nous parler aussi des citrons, on saura tout sur ce joli petit fruit jaune, je cherchais la couleur, c'est grave. Oui. Et puis il paraît qu'il y a Lise qui se léger la nuit. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'aider? On va trouver des couvertures. Plus, hein. On va les chauffer. On va aller chauffer Lise. Oui, chauffer côté Lise. Musique, il y aura Kungs. C'est le nouveau. Côté souvenir, il y aura Patrick Bruel. Lequel de toi, lequel de moi aura l'audace? Vous écoutez Vivacité, si on n'est pas des pigeons jusqu'à 13h. Bienvenue tout le monde. Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on ne sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'au détail. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. On s'afflige des supplices, puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen, la peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile en fond Herbie Hancock. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Ce fan, tout tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis Navi sur Vivacité avec j'écoute du Miles Davis. Votre courrier est arrivé. Oh, de nos jours, le papier. De nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Si, si, il y a Yolande. Yolande qui hier nous a expliqué, vous avez écrit par rapport aux explications de Yolande. Est-ce que c'est clair mes explications? Jusque-là, pas du tout. Bon, hier, on parlait d'un aspirateur. Et oui, c'est ça. Et qu'elle avait gagné un concours pour assainir l'air de sa maison. Au final, elle s'est retrouvée avec une déléguée dans sa maison pendant 4 heures pour vendre un aspirateur qui coûte ouais, près de 3 000, 2 800, tout ça, petit appareil supplémentaire. Ben, elle n'est pas la seule dans le cas, hein, Yolande. Mais oui, lui nous a aussi écrit, j'ai gagné le concours ainsi que mon épouse et son frère. Un vendeur, il a est venu chez moi, il est resté 2 heures. Nous n'avons rien signé, mais la méthode est agressive, c'est clair. Mais alors, on a aussi reçu une autre réaction un petit peu plus nuancée de Claudine. Elle a aussi gagné ce concours. J'ai eu un gentil monsieur qui m'a bien tout expliqué pendant 2 heures, mais qui ne m'a pas convaincue pour l'achat de cet appareil. Le prix est de 2 685 €. Le complément pour nettoyer le matelas, 300 euros, est offert si on achète l'appareil le jour de la démonstration. Et on vous reprend votre aspirateur, 200 €. Comme ça, c'est tout pour le prix. prix. Il a quand même aussi essayé, ce monsieur, de convaincre Claudine de faire des démonstrations auprès de ses connaissances. Donc, c'est agressif hein, comme démarche. Mais, oui. Non, oui, on a beau dire que les gens, les démonstrateurs tristes sont gentils, eux, oui. Mais n'empêche que presque 3000 euros pour un aspirateur dont déjà, on ne connaît même pas encore très bien exactement ce qu'il va faire, dépoussiérer le matelas, purifier l'air. D'accord. Bah, purifier l'air, voilà. Il y a ouvrir les fenêtres, je exactement. Le disais hier, c'est beaucoup ouais. plus simple et moins cher. Hier en télé, on vous parlait de l'eau lunaire, une eau mise en bouteille les jours de pleine lune. Ça n'a pas vraiment convaincu tout le monde. Bah non, il n'y a pas un seul argument sur Facebook, un seul commentaire pour défendre cette eau. On a par exemple Alain qui nous écrit « Les nuits de pleine lune, les quenottes de l'embouteilleur poussent. Du coup, il a les dents qui rayent le parquet. Il se met à vendre son eau bien plus chère. Plus sérieusement, l'eau lunaire a une propriété scientifiquement prouvée depuis longtemps. Longtemps, celle d'attirer les pigeons. Ah, c'est sûr. Même commentaire de Willy, encore une superbe colle à pigeons. Et puis hier, Cyril nous parlait de rasoir, comment bien choisir son rasoir. Et il évoquait les rasoirs de sécurité. Vous confirmez aussi que c'est bien ça? Oui, comme Greg, en termes d'efficacité et de confort, rien ne peut battre le rasoir de sécurité. Il faut juste apprendre à l'utiliser, ça demande un peu de temps. Quant au prix, on trouve des boîtes de 5 lames à 1,19€. Et même avec une barbe dure, on arrive à garder une lame parfois jusqu'à 10 rasages. Autre avantage, une lame de rasoir de sécurité est 100% recyclable. C'est donc un produit très écologique. Et Michel utilise le même type de rasoir. Il achète une boîte de 100 lames à 15€. Oh. Et ça tient durant 2 ans. Ah, ça, c'est économique. Ça, c'est économique. Si vous avez ouais. des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe côté musique. Paul McCartney, Michael Jackson. Et côté auditrice, c'est Lise qu'on va joindre dans quelques minutes. Elle a un petit souci avec son poêle à mazout. Découvrons avec Stéphane Bern l'histoire de la bière Bûche. Une bière qui contient les secrets de 8 générations de brasseurs. 1984, Vincent Dubuisson décide de conquérir les États-Unis. Mais un puissant brasseur américain refuse qu'une bière nommée Bûche s'installe sur son territoire. Deal américain, j'ai peu de moyens, mais je me laisserai pas faire. Ok, Vince. Enfin stratège, Vincent rebaptise donc sa bière Scaldis pour les États-Unis. Il déjoue ainsi l'offensive du géant et gagne le cœur des Américains. Une famille d'aussi forte tête ne pouvait faire que de la Bûche. Bûche. On sait d'où vient son caractère. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Tu sais, chez Abio... Oui, je sais, dommage qu'Abio me le fasse que des châssis. Oui, mais en ce moment, ils font des conditions à moins 30%. Abiome. Fenêtres, portes, véranda. Abiome.be. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Pas pour les canapés. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. En ce moment, conditions automne à moins 30%. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Abiome.be. C'est encore moi, Hip. Rendez-vous vite dans votre hypermarché Carrefour pour découvrir des offres de génie dans tous les rayons. Profitez par exemple du cœur de cabillaud pour seulement bam, 14€ le kilo. Et cette offre de génie que vous ne trouverez nulle part ailleurs est uniquement valable jusqu'à demain. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. La 2 en télé. Qu'est-ce que je fais là? Vous vous déplacez toujours plus à droite. Eh ben voilà, je fais Charles Michel. Retrouvez l'équipe du Grand Cactus ce jeudi soir sur la 2. Ne laissez pas la crispation s'installer dans votre salle de bain. Salut, moi c'est la crispation. Alors cette porte de douche qui coince, moi ça me crispe. Sans parler du robinet qui... Oh, c'est brûlant! Avec Induscabel, la crispation n'a plus sa place dans votre salle de bain. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, dites adieu à la crispation. Vous me crispez là. Induscabel, avec vous de A à Z. Prolongation de l'action dans nos 5 showrooms. Jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. Michael Jackson, Paul McCartney en 1983 avec Say Say Say. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins, moins 8000. C'est vrai qu'il fait un peu plus froid comme ça le matin, hein, depuis hier. On est content d'avoir... On commence à se léger, on remet le chauffage, on refait du feu dans la cheminée, je reviens ce soir et tout et tout et tout. Et on appelle Lise, surtout. Bonjour Lise. Oui, bonjour. Vous avez 75 ans, vous habitez en Dène, vous avez froid Lise. Ah oui, très froid. Mais pourquoi? Suffit de remettre le poil. Parce que la firme Unigro m'a livré un poil... complètement vétuste. Ouais. Il n'y a pas aucun installateur qui pouvait l'installer, c'est vous dire. Et puis j'ai téléphoné pour leur dire, écoutez, vous devez venir reprendre votre vieux poêle. Mais pourquoi vous avez acheté un vieux poêle? Ben écoutez, au départ je ne le savais pas. Bon, vous avez. Je ne le savais pas. Vous l'avez acheté donc, comment? Ils m'ont envoyé ça. Vous l'avez acheté par internet? Le summum des poêles à mazout. Oui. Et bon, ben, je suis tombée dans le traquenard, quoi. Mais l'achat, c'est fait par Internet? C'est fait en magasin? C'est fait comment? Non, l'achat, c'est fait par téléphone. Ah, ça, c'est étonnant, ça. Annie, un achat par téléphone, comme ça? Ça se fait encore, figurez-vous. Ouais. Hein. Unigro, c'est le magazine, pas... Oui, ça oui d'accord. Comme... Oui. Vous savez le magazine. Mais donc, Lucie, ça veut... Lucie, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi je vous appelle Lucie, mais c'est Lise. Parce qu'elle a envie. Ah, parce que c'est tout aussi joli. Hein. Ah, ben voilà. Vous pouvez l'appeler... Lucie Lise ou Lise Lucie. Vous pouvez appeler Annie Gérard aussi, si vous... Quand vous téléphonez à Unigro, est-ce que vous avez la description du poêle à mazout que vous achetez ou bien c'était simplement bonne affaire pour acheter le poêle? Je n'ai pas eu de description, juste poêle à mazout et le numéro d'article interne, c'est tout ce que j'ai eu. D'accord. Et donc vous avez payé combien ce poêle parce que vous l'avez payé? 665 €. Ah, quand même. Donc on comprend, voilà. Alors vous dites qu'il est vieux. Vous pouvez nous expliquer bon, en quoi comment c'est vieux? Comment vous avez vu qu'il était vieux? Ben écoutez, pas vieux, disons antique. Oui, mais c'est un poêle qu'on ne peut plus raccorder. Il date du temps de presque des Romains, si j'ose dire. Mais parce qu'il faut remplir le mazout dans le poêle avec un petit jerrycan, parce qu'il y a un petit container à l'intérieur. Ah oui, effectivement, c'est un ancien modèle, ça c'est sûr. C'est un tout vieux modèle. Ils vous disent rien, ils vous laissent comme ça. Non, ils ne m'ont absolument rien dit, ils m'ont livré, etc. etc. Et bon, moi, quand il est arrivé ici, j'ai demandé à 2-3 installateurs s'ils ne voulaient pas m'installer ce poêle, parce que bon, je ne sais pas le faire moi-même. Et tous les trois ont dit, ben écoutez, il est tellement vétuste qu'on ne sait plus le... On ne sait plus le faire, on ne sait plus l'installer. Voilà. Et donc, Annie, vous avez pris contact avec Unigro toujours par téléphone, mm-hmm, et oui, on vous a dit, il y a donc déjà quelques semaines, qu'on allait venir rechercher ce fameux poêle. Oui, il y a 3 semaines et demie. D'accord, et qu'on allait vous rembourser, c'est bien et ça? Et qu'on allait me rembourser également. Voilà, oui, alors, on mais a bien j'attends toujours. Vous attendez toujours. Alors, on a bien compris en vous entendant, Lucie, que... Lise. Merde, pardon. C'est pas grave, Gérard. Excusez-moi. T'inquiète pas, Gérard. Oh, doux Jésus. Gérard va continuer. On a bien compris que tous les échanges se sont faits par téléphone. Il n'y a donc aucun écrit de la part d'Unigro. Est-ce que par hasard, vous avez reçu récemment des nouvelles d'Unigro? On ne sait jamais, hein. Tout peut arriver. Oui, hier. Ah, et qu'est-ce qu'on vous dit? Hier, ils m'ont dit, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous allons venir chercher votre poêle vendredi matin, dans la matinée. Ouais, c'est bien. D'accord. Ça. J'ai dit non, moi je ne suis au courant de rien du tout, je n'ai pas reçu de courrier, rien. Est-ce que c'est encore une manigance de leur part? Je n'en sais rien. On va essayer de donner un petit coup de fil chez Unigro. Restez au téléphone. Ah bah tiens, ça sonne occupé. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Gérard? Dans ces cas-là, Gérard va aller en régie. Ne bougez pas, Lucie, Lise, Gérard s'occupe de tout le reste. Signale quand même avoir envoyé 2 mails à Unigro à des adresses différentes. On m'a dit qu'on allait examiner la demande, mais vous savez, quand vous écrivez comme ça des services clientèle, on vous dit soit 48 heures, soit dans les 5 jours. Donc voilà. Donc on espère quand même qu'ils vont prendre attention au mail qu'on leur a envoyé. Mais je file en régie. Non, Lise. Vous allez en régie, on essaye de résoudre. Restez pas loin de votre radio, on peut peut-être vous rappeler dans les prochaines minutes, on ne sait jamais, que le problème se règle là très vite. En tout cas, ceux qui nous écoutent, ils vont avoir dans leurs oreilles de la pub. Ouais, youpi. Et puis après... Mettez-la fort.

titre du DJ français Kungs et ce Don't You Know. Si on partait sur les routes, allons voir comment ça se passe en cette fin de matinée, Caroline Gillet. Eh bien, ça se passe plutôt bien. On a quelques tout petits ralentissements, les tout derniers, pour accéder à Bruxelles sur le 411 venant de Namur entre Jésus-Saïk et Léonard, mais vous perdez moins de 5 minutes. Accident dans l'échangeur du carrefour Léonard, le passage est difficile dans la bretelle qui relie le ring de Bruxelles venant de Zaventem à le 411 en direction de Namur. Et puis les derniers ralentissements sur le ring aussi, 10 minutes ou juste un peu moins, circulation intérieure entre Zaventem et le carrefour Léonard, en extérieur également entre Zaventem et Grand Bigard. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il est presque 11h28, passons au journal de la conso. On va faire la lessive. On va laver son linge sale en famille, oui. Déjà. Et à 60 degrés, non, ça non. Parce que ça, non. Ça ne sert à rien. C'est ce qu'on trouve dans la presse. Oui, inutile, parce que les lessives actuelles sont efficaces à 30 degrés. Alors, tenez-vous bien. L'association belgo-luxembourgeoise des producteurs et distributeurs de détergents. Tu l'inventes ou ça existe vraiment? Non, ça existe. D'éthique. Vraiment. Oui, ah oui, exactement. Juste, vrai. Oui, juste. Oui. Mais dit comme ça, c'est bizarre. Hein. Bah même le DETIC, c'est fou hein, cette histoire. Donc ils ont mené l'enquête et nous lavons nos vêtements en moyenne à 41 degrés. Et là, je bug donc parce que je ne comprends disait, pas. C'est un peu bizarre puisque normalement, c'est des multiples de 10, sauf qu'Isa nous a rappelé qu'il y avait sur certaines machines 95 degrés. Donc ça doit faire 41 ouais, quelque non, part même de moyenne. Mathématiquement, même moyenne. À la vie, bizarre. Et c'est pas moi, c'est le DETIC qui le dit. Oh, ça va. Hein, bon. C'est trop, donc, hein, 41 degrés de moyenne. Pour la planète, d'abord parce que ça dépense de l'énergie. Pour votre portefeuille, pour la même raison. Mais aussi parce que ça abîme beaucoup vos vêtements. C'est à cause de nos grands-mères qu'on lave trop chaud. C'est français, hein, ça, qu'on lave trop chaud. Il fallait laver à 60, voire 90 degrés dans le temps. Parce que ça enlève mieux les taches et que ça tue les bactéries. Ceci dit, moi, mon médecin me conseille encore de laver les draps, par exemple, ou les doudous à 60 degrés pour tuer un maximum d'acariens. Oui, exactement. Mais on va dire que pour le reste, pour les taches et pour le bien-être du linge, 30 degrés... C'est... Ah, le pull à 60 degrés, il ressort moins beau. Hein. Oui, c'est ça. Ça dépend si tu veux le donner à un enfant après, c'est bien. Oui, ça peut fonctionner aussi, mais je vais encore vous donner des arguments pour vous convaincre de baisser la température. D'accord. Si on arrivait à baisser la température moyenne de 3 degrés, eh bien les machines à laver consommeraient environ 11% de moins de courant. En CO2, ça correspondrait à l'émission de plus de 10 000 voitures en moins. Et dernier argument pour vous convaincre, laver à 30 degrés coûte 3 fois moins cher que de laver à 60 degrés. Là, alors que c'est le double. Ça, c'est du très concret. Hein, ça 3 fois moins cher alors que c'est le double. Oui. C'est dingue. On n'en a pas pour ses sous. Hein. Non, enfin, non, voilà. Non, non. Un site et, peut-être. Oui, parce qu'ils ont mis en place un site qui vous propose quelques conseils et qui vous montre si vous lavez bien vos linges ou pas. C'est iprefer30.eu. Ah, ben oui, c'est l'anglais approximatif d'Aurore Salsano, j'aime beaucoup. I prefer. Beaucoup. Bah, vous dites comment, hey, vas-y. I prefer 30. Prefer. Tous les profs d'anglais qui nous écoutent vont être ravis. Bon, voilà. Et Shakespeare se retourne dans sa tête. On part au restaurant. Les clients font plus attention à l'état des toilettes qu'au service. C'est à lire dans Sud Presse. Oui, alors ça, c'est la société qui commercialise les produits Torque. Vous savez, les essuie-tout qu'on trouve dans les toilettes, cette marque-là. Donc, c'est eux qui ont mené l'enquête sur la propreté des toilettes et qui donnent ces chiffres. Chez nous, c'est l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, qui vérifie si les toilettes sont propres. Attends, ils font ça avant d'aller vérifier les cuisines ou après? C'est important, le reprend sur ce coup-là. C'est, à mon avis, ça doit être des choses différentes. Hein. Enfin, je ne sais pas. 12 400 WC ont ainsi été contrôlés l'année dernière et 760 ont été déclarés non conformes. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a de grosses différences en fonction des provinces. Bon. C'est dans le Hainaut où ça va le moins bien. Hein. Pour ce qui est de l'état des lavabos et de la présence du savon, par exemple, 52% des toilettes n'étaient pas conformes dans le Hainaut. Ensuite viennent les provinces de Namur et de Liège, avec respectivement plus de 38 et 35% de non-conformité. Mais non-conformité, ça veut dire qu'elles sont dégueulasses, quoi, c'est ça? Non, alors, non, pas conforme, ça veut pouvoir dire que, par exemple... Il n'y a pas de robinet au bon endroit, Mais si je parlais juste du savon et des lavabos, okay, mais d'accord. Ça peut, dans la non-conformité, il peut y avoir la petite affiche obligatoire de se laver les mains qui n'est pas présente. C'est dingue, il faut encore mettre ça dans les toilettes. Bah, vous gens... seriez curieux de savoir combien de personnes ne se lavent pas les mains. C'est pour ça que je ne touche jamais la poignée de la porte.

accepter même les erreurs, revenir en arrière, ces différences qui nous font peur jusqu'à tout foutre en l'air. Tu pourras dire n'importe quoi puisque l'amour c'est fou, on ne paie jamais ce que l'on doit en marchant à genoux. Tu pourras dire n'importe quoi puisque l'amour c'est tout, ce qu'il reste entre toi et moi, ça nous suivra partout. Lequel de toi, lequel de moi dira je t'aime, sans rien en échange, rien qui dérange, comme un poème. Un mot d'amour dans les orages de toute une vie à deux, un mot qui change les sauvages en amoureux. Tu pourras dire ce que tu veux sur tout ce qui nous éloigne. Tu sais très bien qu'à ce jeu, jamais personne ne gagne. Cette histoire, aucun de nous deux ne pourra l'effacer. Ce qu'il y a au fond de nos yeux ne s'oubliera jamais. Tu pourras dire n'importe quoi, des cris ou des menaces. Il n'y aura que toi et moi pour sortir de l'impasse et retrouver dans un sourire ou une main tendue tous les mots qu'on aurait pu dire si on l'avait voulu. Tu pourras dire n'importe quoi puisque l'amour c'est fou, on ne paie jamais ce que l'on doit en marchant à genoux. Et même écrire n'importe quoi puisque l'amour c'est tout, ce qu'il reste entre toi et moi, ça nous suivra partout. Tu pourras dire. Lequel de nous ? C'était Patrick Bruel sur Vivacité. On n'est pas des pigeons. Attention, voie 14, suite à une rupture d'alimentation électrique. Le train ici est à 11h30, un retard d'environ 15 minutes. Veuillez nous en excuser. En même temps, c'est pas très grave. Non, 15 minutes, ça va. C'est l'habitude. Oh non, non, non, non. Et il y a un truc qui vous énerve quand vous prenez le train, outre les retards, Isabelle. Outre les retards, effectivement. J'ai bien l'avouer, le matin, quand je monte dans le train, vers 7h30... et que je vois que la première classe est vide, quasi vide, ouais. En fait elle est très peu occupée, et que moi je suis en deuxième, debout, parce qu'il n'y a pas de place dans le train, j'avoue que je me dis, mais pourquoi il y a encore une première classe ? Vous exagérez, parce que je suis sûr qu'il y a encore des gens qui achètent des tickets première classe. Alors, j'ai demandé les chiffres à la SNCB, hein, et là on m'a indiqué qu'en moyenne, il y a 4% de voyageurs qui payent un ticket de première classe. Mmh. Dans ces 4%, on ne compte pas les voyageurs qui peuvent voyager en première classe gratuitement. Comme les enfants, s'ils voyagent avec un parent qui a payé, lui, le prix de la première classe. Alors, ce qu'on m'a appris aussi, c'est que pour les forces de l'ordre peuvent aller en première classe, les agents SNCB et leurs ayants droit. Alors, j'ai aussi une petite devinette pour vous. D'après vous, qui peut impunément s'installer en première classe tout en ayant acheté un billet de deuxième classe? J'ai une idée. Voilà. La femme enceinte. Parce qu'on m'a toujours dit ça. Quand on était enceinte, on pouvait aller en première. Enceinte, mais de combien de mois? 5 mois. Voilà, oui, en fait, enceinte de 5 mois. Parce qu'à 7 mois, on ne peut plus prendre l'avion, de toute façon. D'accord. Et il demande une carte, enfin un billet du gynécologue qui explique que c'est bien 5 mois. La dernière échographie, c'est suffisant. C'est ça. C'est bon. Et c'est beaucoup plus cher, la première classe. Alors moi, j'ai cherché un exemple. Par exemple, je me suis dit, tiens, je vais aller à Tournai en partant de Bruxelles-Nord. Alors, Bruxelles-Nord-Tournai, en deuxième classe, ça me coûte 12,90 €. En première classe, ça grimpe à 19,90 €. Ouais. Donc, dans l'aller-retour, ça commence quand même à chiffrer le confort à un prix. Mais oui, mais justement, est-ce qu'il y a une grande différence entre les wagons première et deuxième classe ? Alors, tout dépend du train dans lequel vous êtes. Par exemple, si vous êtes dans un train qui fait des petits parcours dans Bruxelles, par exemple, alors là, franchement, vous ne voyez quasi pas la différence. Il faut vraiment repérer le 1. Moi, ça m'a déjà arrivé d'aller m'asseoir en première classe. Je me dis, oh, c'est chouette, il y a de la place ici. Et puis, je fais, oh, je me suis trompée. Mais quand vous êtes sur des longs trajets, alors là, oui, vous verrez, par exemple, en première classe, vous aurez du tapis au sol, par exemple. Ah ouais, non, rien que pour ça, ça vaut la peine de payer. On se demande aujourd'hui s'il ne faut pas supprimer cette première classe. On répond avec Nathalie Pierrard. Bonjour Nathalie, vous êtes la porte-parole de la SNCB. Est-ce que ça vaut la peine de garder les wagons première classe quand on sait qu'ils sont si peu fréquentés ? On répète, 4% des voyageurs, c'est pas beaucoup, hein. Bonjour, oui, en effet, parce qu'on a vraiment une réelle demande de la clientèle pour avoir ces premières classes. Et je le vois d'ailleurs via vos internautes qui ont réagi et qui, je dirais que c'est du 50-50. Certains disent qu'il faut la conserver, d'autres non, parce que justement, quand le train est trop occupé, nous, on est en deuxième, on est debout, les premières classes sont assises. Il faut quand même préciser, donc si je reviens simplement, en effet, on a une réelle demande, et c'est plutôt des gens qui cherchent de la tranquillité. Je dirais qu'en deuxième classe, c'est plutôt signe de convivialité. Quand vous êtes en première, c'est plutôt la tranquillité. Vous pouvez travailler, lire dans le calme. Ils sont drôles, vos arguments commerciaux. Traverser le train, vous allez voir une grande différence entre les deuxièmes et les premières classes en général, rien que pour, entre guillemets, l'ambiance, en fait. D'accord. Mais si le train est bondé, comment ça m'arrive quand même le matin, est-ce que je peux dire, il n'y a pas de place assise, ben je vais aller m'asseoir en première? Alors non, pas de votre propre initiative. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que souvent, on a l'impression que le train est bondé et il ne l'est pas. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à tous se grouper sur le quai au même endroit pour monter dans le train. Et ce qui arrive alors, c'est que par exemple, l'avant et l'arrière du train, on trouve encore des places assises. Donc l'accompagnateur de train va à ce moment-là peut-être inciter la clientèle à aller vers l'avant ou l'arrière du train en disant, ben voilà, j'ai constaté qu'il y avait des places assises. Voilà, on invite les voyageurs à trouver des places assises à l'avant et à l'arrière. Vous êtes porte-parole si SNCB, ça fait longtemps que vous n'avez pas pris le train lors de pointe. Nathalie Pierrard, ça fait longtemps que vous n'avez pas pris le train à l'heure de pointe, parce que les trains bondés, c'est tous les jours le matin et tous les jours le soir. Alors, ça dépend vraiment. Train sur une ligne très fréquentée aussi le matin et le soir, la ligne vers depuis Charleroi, en fait. D'accord, je vous confirme, elle est très fréquentée le matin et le soir. Alors, ça dépend du type de train aussi, hein. Il faut quand même préciser, c'est vrai que quand vous avez du double étage ou que vous avez du simple étage, ça peut faire de fortes différences. Mais maintenant, si en effet le train est bondé, et ce qui arrive surtout, c'est quand on a par exemple un train précédent qui est supprimé ou qui a du retard, ben évidemment tous les gens se retrouvent dans le même train, et donc on peut avoir en effet le cas d'un train suroccupé. Alors c'est l'accompagnateur lui-même qui va prendre la décision de dire voilà, on va déclasser une première classe, il va mettre un petit sticker, on va dire, sur la porte de la voiture concernée et va l'annoncer au micro. Et alors à ce moment-là, en effet, tous les voyageurs peuvent aller en première classe. Et si le voyageur s'installe quand même en première classe, ça peut être comme moi l'autre jour, je me suis installée en première classe, j'ai pas vu que j'y étais, est-ce qu'il a une amende alors ? Pas directement. Donc en premier, l'accompagnateur de train va inviter le voyageur à dire à s'installer, je dirais, en deuxième classe, qui correspond à son billet. Parce qu'en effet, comme vous le dites, on peut parfois se tromper simplement parce qu'on n'a pas fait attention, notamment pour les voyageurs qui n'ont pas l'habitude de prendre le train. Si le voyageur dit non, moi je veux rester et je vais alors à ce moment-là payer un surclassement, donc il va payer un surclassement pour pouvoir rester en première classe. Ok. Et c'est quoi alors? Ce n'est pas obligatoire, enfin ce n'est pas automatique, donc ce n'est pas vous êtes en première classe, vous devez être en deuxième, on va d'office vous faire payer une amende. Non, c'est pas du tout le cas, on va d'abord inviter le voyageur à se déplacer. Et il y a vraiment une grande différence de confort entre la première et la deuxième classe, parce que vous parliez de convivialité en deuxième classe. Bon, la convivialité quand on est serré l'un sur l'autre, comme des sardines. Vous pouvez faire des rencontres comme ça. Mais sinon, vraiment, la première classe est hyper luxueux. Non, ça dépend vraiment d'un train à l'autre. Donc, comme vous le disiez, par exemple, sur les trains Désiro, qui sont les nouveaux trains sur des relations plus courtes, là, c'est vraiment, il y a d'ailleurs moins de places assises. Hein, par exemple, sur un Désiro, vous avez 32 places en première classe et 248 en deuxième classe. Donc là, il y a quand même une forte différence. Et là, en effet, la différence est minime. C'est des voitures, des sièges qui sont l'un en face de l'autre, qui sont un peu mieux agencés, mais il n'y a pas une forte différence. Dans des trains, par exemple, de plus longue distance, comme les trains qui circulent entre Bruxelles et Liège, là, vous parliez de tapis, mais également les sièges sont différents. Il y a un petit peu plus d'espace aussi. Mais c'est vrai que ça se reflète aussi plus dans le comportement des gens. Et ça, malheureusement, on ne peut vraiment pas interagir là-dessus, mais c'est vrai que en deuxième classe, vous avez plus souvent des gens qui sont un petit peu plus bruyants parce que vous avez une catégorie de gens différente, c'est-à-dire plus des étudiants, des jeunes. Il y a plus de personnes et c'est peut-être plus convivial et on peut faire des rencontres aussi, ça peut être sympa. Merci Nathalie Pierrard. On vous pose aussi la question sur Facebook, première classe ou deuxième classe. On vous demande si vous êtes pour ou contre la première classe, si ça coûte trop cher, et Maïté nous répond, c'est un confort quand on est enceinte, être au calme et assise dans des sièges plus confortables. Pratique aussi lorsque je voyage avec mon fils de 2 mois. Nous sommes au calme, nous avons de la place et je suis tranquille pour l'allaiter. Continuez à réagir, on vous lira évidemment jusqu'à 13h. Dans un instant, on parle de citron. C'est bon ça les citrons, mais Anne-Laure, attention. C'est ça, ça a plein de qualités et de vertus pour la santé, mais peut-être que si on prend la peau avec, c'est moins bien. On en parle à peu près, Peggy. Maintenant chez Ici par Excel, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums Apriron qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur icipareexcel.be.

plus ou moins régulièrement, plus ou moins, oui, quand même, plus ou moins. Mais est-ce que tout est vraiment bon dans le citron, alors? Bah, ce qui est sûr, c'est, ça vous le savez déjà, c'est riche en vitamine C, hein, puisque le jus d'un seul fruit permet de couvrir un tiers de vos besoins quotidiens. Il apporte également des vitamines du groupe B, des minéraux, des oligo-éléments, du fer, du calcium, du potassium, du phosphore, du magnésium, du cuivre, tout ça. Il est composé à 90% d'eau, il est pauvre en sucre et peu énergétique. Et enfin, chose intéressante que vous ne savez peut-être pas, il contient des flavonoïdes. Ce sont des antioxydants qui contribuent à préserver la jeunesse de nos cellules, et un apport régulier permettrait aussi de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Gavons-nous de citron alors? Bah, peut-être pas. Déjà, si on souffre de reflux gastrique, on oublie le citron parce que c'est extrêmement acide. Et puis on ne perd pas de vue que pour cultiver tous ces citrons qu'on consomme en Europe, à moins qu'ils soient bio, on utilise toutes sortes de produits chimiques qui n'est pas forcément bon pour la santé. Selon le planétoscope par exemple, il faut savoir que 450 kg de citron et de lime, ce sont les citrons verts, sont produits chaque seconde dans le monde. C'est beaucoup, c'est énorme. Ouais, c'est 14 millions de tonnes produites sur la planète chaque année, produites principalement en Inde, au Mexique, en Argentine et en Europe. C'est quel pays, à votre avis? L'Italie avec la Sicile. L'Espagne, exactement, Annie, qui a le leadership. Et donc, c'est une culture intensive qui nécessite beaucoup de pesticides. On va peut-être regarder ça autrement. Alors, la rondelle de citron qui baigne dans notre soda. Il faudrait peut-être en effet se dire qu'elle vous apporte plus peut-être d'effets néfastes que d'effets positifs. En fait, on a mené l'enquête et on a fait une expérience toute simple. On a demandé à des restaurateurs de nous fournir des tranches de citron. On a récolté 5 échantillons différents et puis on les a apportés dans un laboratoire. On a passé en revue 500 composés toxiques et les rapports d'analyse sont très clairs en fait, puisque dans les 5 échantillons, il y a systématiquement des résidus de pesticides. Parmi eux, 2 insecticides, à faible dose il faut le dire, hein, du phénylphénol et du chlorpyrifos. Chlorpyrifos, ça c'est un neurotoxique dangereux pour l'homme et il est aussi en concentration raisonnable, mais quand même il est là. Et il y a une concentration qui pose problème, là c'est l'imazalil, je sais que ce sont des noms barbares, hein. Imazalil, c'est un fongicide. En fait les fongicides c'est ce qu'on applique après la récolte pour empêcher les moisissures, et d'accord, les pesticides c'est ce qu'on applique avant la récolte quand le fruit est sur l'arbre pour éviter qu'il se fasse manger par les insectes. Il y a un vrai danger pour la santé? Alors le mot danger c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas il y a un vrai impact possible sur la santé. En fait aux États-Unis, l'imazalil, le fongicide dont je vous ai parlé, il est classé comme cancérigène probable par l'Environmental Protection Agency. Par contre en Europe, on dit il n'y a pas trop de problèmes, il n'est pas génotoxique, il n'y a pas d'effet sur l'ADN, donc on considère qu'il n'a pas vraiment de potentiel cancérogène. Mais ceci dit, on a quand même constaté qu'il entraînait des tumeurs du foie chez les rats, mais à des doses... Sur Viva, I'm not the only one. Il y a 30 minutes, plus ou moins, nous étions occupés avec Lise. Lise, vous êtes toujours là. Je rappelle votre histoire. Vous achetez un poêle à mazout chez Unigro. Le truc qu'on vous livre, il n'est plus du tout d'époque. C'est un vieux bazar. Vous ne trouvez même pas d'installateur pour le placer. Donc vous demandez qu'on vienne le rechercher et qu'on vous rembourse. Ça, c'est l'histoire. Annie essayait de joindre Unigro, oui. Et vous avez eu un contact, Annie. Oui, après de nombreuses minutes, j'ai eu quelqu'un. Alors, Lise, rassurez-vous, on vient bien vendredi, ce vendredi, entre 8h et 10h du matin. Vous devez absolument être debout, prête à l'action dès 8h, parce que la camionnette part de Sint-Niklaas. Il n'y a qu'un arrêt avant d'aller chez vous, donc le chauffeur sera très très tôt chez vous. Donc, on confirme entre 8 et 10 heures. Alors, le remboursement se fera sur votre compte bancaire. Mm-hmm. Et ils attendent d'avoir évidemment le retour du poêle en mazout pour voir si c'est en bon état ou pas. Et ils vous rembourseront. Oui, oh, mon Dieu. Voilà, ils vous rembourseront la semaine prochaine. Ben d'accord, voilà, c'est magnifique. Elle n'est pas belle la vie? C'est beau, hein? Et ah, la camionnette, oui, belle, la camionnette, c'est une camionnette blanche. Donc, à partir de 8h vendredi, entre 8 et 10h, on vous rappellera, tiens, pour voir s'ils sont venus le chercher. On fait comme ça. Belle. D'accord. Ben, écoute, mais attendez-moi, il faut que rapidement. Je parte à l'hôpital à 1h. Ah, ben oh, oui, mais ils sont, vous inquiétez pas, c'est entre 8 et 10. Là, maintenant, il est midi. D'accord, et on a besoin. Merci infiniment, je vous embrasse tous. Eh bien, c'est réciproque. Il y a les infos de midi qui arrivent. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Tâchez Citroën Dragon Boss, Citroën Evair et Citroën Isère. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Citroën. Pour vos pneus et kits hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Citroën. Voir conditions en magasin. Cet instant de détente vous est offert par votre magasin Watteau. Jusqu'au 10 novembre, à l'achat de 5 mètres carrés de revêtement de sol, le 6e est gratuit. Watteau, chaussée de Namur à Nivelles, voire conditions en magasin. Pendant les Audi Days, vous allez être surpris. Surpris par les conditions exceptionnelles sur l'Audi A1. Surpris par son tempérament et son agilité en ville. Et surpris par la technologie unique PJR, qui signifie « Pince-moi ». Je rêve. Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros ou 129 euros par mois en personal lease. Infos et conditions sur audi.be et chez votre distributeur Audi. C'est magique! Réalise une fresque géante sur le thème d'Halloween et emmène toute ta classe et tes profs 3 jours en voyage scolaire à Disneyland Paris. Tu découpes, tu colles, tu dessines, tu fais ce que tu veux et tu pars quand tu veux. Info dans la DH chaque jour du 10 au 22 octobre. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec David Riffon. Bonjour David. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. On a appris ce matin le décès de Georges Désir. Il s'est éteint à l'âge de 91 ans. Georges Désir était connu comme homme politique, mais aussi en tant que présentateur et producteur de l'émission de télévision Visa pour le Monde sur la RTBF, une émission qu'il allait quitter en 1977. C'est à ce moment que Georges Désir devient député fédéral sous les couleurs du FDF, aujourd'hui Défi. Georges Désir est également devenu secrétaire d'État à la région bruxelloise dans le premier gouvernement de Charles Piquet en 89. Il aura aussi surtout dirigé la commune de Woluwe-Saint-Lambert pendant 30 ans, de 1976 à 2006. Écoutez l'ancienne bourgmestre de Watermael-Boisfort, Martine Peffa. C'était un homme qui partageait son savoir. Moi, comme j'étais plus jeune que lui et jeune bourgmestre à ses côtés pendant un certain temps, c'était un grand municipaliste. Je crois qu'il était vraiment adoré par les habitants de Woluwe-Saint-Lambert. Vraiment un chaleureux, un bon vivant et un très bon municipaliste. C'est vraiment l'image que j'en tiens. Réaction recueillie par Philippe Carlo. À noter que la commune de Woluwe-Saint-Lambert va organiser une cérémonie d'hommage en l'honneur de Georges Désir. Ce sera le 17 octobre au Volubilis. Le Premier ministre consulte, mais pas encore de vraie réunion du gouvernement fédéral pour relancer ensemble les discussions sur le budget et sur les projets de réforme annoncés. Il reste encore pas mal de travail pour rapprocher les points de vue, semble-t-il, et effacer les conséquences du retrait du CDNV Chris Peters des discussions dans la soirée de lundi. Le Premier ministre s'efforce de relancer le dialogue, mais c'est difficile apparemment. Le CDNV s'accroche toujours à son idée de taxation des plus-values. Salah Abdeslam n'a plus d'avocat. Le Belge Sven Marie et le Français Franck Berton renoncent à défendre le dernier survivant du commando responsable des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. Selon eux, défendre Abdeslam, c'est peine perdue. L'homme garde le droit au silence. Depuis son arrivée dans une prison en France, il n'a jamais collaboré une seule fois avec les enquêteurs. Un préavis de grève et d'action vient d'être déposé. Il est à durée indéterminée chez ING. Selon les syndicats, la direction d'ING engage très mal la procédure Renault. Après 2 jours complets de conseil d'entreprise, peu d'informations utiles a encore été communiquées aux représentants du personnel concernant la vaste restructuration. Faire de la muscu, c'est bien pour sculpter son corps, mais quand on est encore adolescent, c'est dangereux, d'autant que certains ados lèvent de la fonte sans aucun encadrement, si ce n'est des vidéos de Monsieur Muscle trouvées sur Internet. Attention, danger, explique Louise Deldic, elle est physiologue du sport. Quand on est enfant et certainement quand on est adolescent, il y a toute une période de croissance et de maturation qui se fait de manière naturelle, et ajouter à ça une charge physique importante peut perturber tous ces processus de maturation. Qu'est-ce qu'on constate chez les adolescents, notamment qui font du sport de haut niveau ? Par rapport à cette maturation, on a une charge trop importante, donc ce que le corps a du mal à supporter, on se retrouve en fin d'adolescence avec une croissance tout d'un coup gigantesque. On peut tout d'un coup prendre 10 cm en un an ou deux, alors que c'est une croissance qui aurait dû se faire quelques années plus tôt. Interview Françoise Berlaimont. 350 000 foyers, de grands immeubles de bureaux et d'administration publique privés de courant pendant quelques minutes, deux lignes de train bloquées également. Une panne gigantesque a frappé la ville de Tokyo au Japon ce matin, suite semble-t-il à un incendie dans un établissement de la compagnie TEPCO. Les choses sont toutefois rentrées dans l'ordre assez rapidement. Tennis et la qualification de David Goffin pour le troisième tour du tournoi de Shanghai. Ce matin, il a battu le français Benoît Paire. Au prochain tour, il rencontrera un autre français, Gaël Monfils. Et puis au programme sportif du jour, du cyclisme également, avec l'épreuve contre la montre des championnats du monde de Doha au Qatar. Cela démarre en début d'après-midi. Les favoris contre le chrono, Tony Martin, Juan Dennis, Tom Dumoulin ou encore Vasil Kirienka. Un point RTBF Mobile Info. Caroline Gillet, un accident dans l'échangeur du Carrefour Léonard. Et oui, conséquence, passage difficile dans la bretelle qui relie le ring de Bruxelles venant de Zaventem à le 411 en direction de Namur, et vous perdez une quinzaine de minutes dans ces files. D'autres petits ralentissements sur le ring, circulation extérieure entre Woluwe et Saint-Etienne et Zaventem, de Strombeek à Wemel vers Grand-Bigard également. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 12h05, la suite d'On n'est pas des pigeons. Sébastien Olvo. Merci David, bel après-midi. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouvelle cuisine équipée, plus le lave-vaisselle offert. Ego, la cuisine de ma vie. Viva Cité. On n'est pas des pigeons. Sur Vivacité. Au programme de cette deuxième heure, et parce que nous sommes mercredi, on vous parlera d'applications smartphone sympas et utiles. Ou pas, avec Tom, on restera dans le domaine de l'informatique parce qu'on est vite paumé en informatique aujourd'hui, sauf si on a suivi des cours, mais on a peut-être une solution qui va aider les gens. Ben oui, parce que voilà, on n'a pas toujours, on n'ose pas toujours retourner au magasin, on a parfois des problèmes. Alors, et si quelqu'un venait chez vous, soit pour vous former, soit pour vous dépanner quand vous avez un problème, est-ce que ça coûte cher ? Ah oui, c'est vrai que ça peut vite monter, ce genre de choses. On se posera une question aussi, est-ce qu'on peut changer d'avis quand on a acheté un billet d'avion ? C'est surtout Catherine qui se pose la question. Oui, elle a acheté un billet il n'y a pas longtemps sur Internet, elle a changé d'avis. Alors vous savez, on dit toujours, bah oui, il y a un délai de 14 jours pour faire marche arrière, mais est-ce que ça vaut pour les billets d'avion ? Ben, c'est pas si sûr que ça. Et on n'oublie pas la question sur la page Facebook, on parle de train aujourd'hui. Oui, est-ce que la première classe est encore utile ? Est-ce que ça coûte trop cher ? Est-ce que vous allez souvent en première classe ? Répondez sur la page Facebook, c'est ce qu'a fait Guy. Il nous écrit, j'arrive en fin de carrière et je dois vous avouer que les voyages quotidiens me pèsent de plus en plus. Voici plusieurs mois, j'ai décidé de payer de mes propres deniers le supplément de 88 € me permettant de voyager en première classe. Depuis ce jour, j'ai plus de facilité à accepter toutes ces heures à passer dans les trains. Mais c'est une manière de voir les choses. Pourquoi pas continuer à nous donner votre avis sur la page Facebook. On vous lira évidemment dans cette dernière heure. Côté musique, il y aura Strumbelas. Ça met de bonne humeur et il y a tout le monde qui dandine de la tête. C'est vrai. Ouais. Il y aura Julien Doré aussi. Là aussi la tête elle bouge, mais un peu plus vite. Si vous passez à table, excellent appétit tout le monde, on est ensemble jusqu'à 13h. Show me how to feel. Sur Viva avec Alice on the Roof. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. On le dit, on le répète souvent dans cette émission, l'informatique est partout dans notre vie. Du coup, dès qu'il y a une petite panne, qu'il y a un truc qui ne va pas, ou qu'on achète un nouvel ordinateur, on peut vite être paumé, hein, Isabelle. Eh oui, alors on n'ose pas toujours retourner dans le magasin pour demander de l'aide, on a peur d'avoir l'air un peu bête, on n'a pas forcément un bon copain ou un cousin qui s'y connaît fort bien pour venir nous dépanner. Alors pour toutes ces personnes-là, il existe des services d'aide à domicile. Et ça doit coûter cher, ça. Eh bien, je propose qu'on pose directement la question à quelqu'un qui s'est lancé dans ce type d'aide. Il s'appelle Olivier Wilmar, il a lancé sa petite société I Support You. Olivier Wilmar, bonjour. Bonjour. Ça s'adresse à qui cette aide à domicile? Essentiellement aux personnes âgées qui ont un peu plus de mal avec l'informatique? Alors ça s'adresse à tout le monde, je ne vise pas forcément une génération bien particulièrement, mais il est vrai que la majorité des clients qui répondent à l'appel sont des personnes de voilà, plus de 40 ans et... Oh, ça fait plaisir. Voilà, la claque dans la figure ici. Bon, on va raccrocher voilà, tout de suite. J'ai des clients en maison de repos qui ont 85, 88 ans. Et qui donnent cours à des jeunes gars de 40 ans, c'est ça? Bon, je ne suis pas loin de 40 ans, donc voilà, je suis dans le paquet aussi. Et c'est quoi le problème qu'on rencontre en fait le plus souvent, celui auquel vous devez faire face le plus souvent? Alors le plus souvent, ce sont des... Voilà, une personne achète un produit informatique, un produit multimédia dans un magasin. Malheureusement, il n'y a pas toujours le temps nécessaire dans le magasin pour donner une bonne information. Et donc, c'est une information trop basique. Et lorsque la personne rentre à domicile, ben, même la mise en marche est déjà un frein. Donc, c'est déjà à ce niveau-là que je peux intervenir. Et puis, c'est très fréquemment une explication sur le fonctionnement de certains logiciels, comme par exemple l'application Skype, qui est fort demandée, qui permet de communiquer avec des personnes de la famille ou des amis dans des longues distances. Le PC Banking aussi, que gérer ses paiements, ses virements à domicile. Donc ce sont toutes sortes d'applications qui nécessitent tout de même une sorte de paramétrage et une petite initiation pour pouvoir les utiliser. Mais enfin, pour tout ça, il y a quand même dans pas mal de communes des aides, enfin des cours qui sont dispensés justement pour les personnes âgées. Alors, est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'inscrire à un cours que de faire appel à vous, à votre petite société? Parce que ça peut quand même assez vite chiffrer, non? Alors, je connais effectivement ces formations grâce à mes clients qui m'en parlent fréquemment. Et je pense que les deux sont complémentaires. J'invite tout le monde à participer à ces formations parce qu'elles représentent un bon support et une bonne base. Mais cependant, le contenu même est intéressant, mais ça ne remplacera jamais l'efficacité d'une formation personnalisée à domicile parce qu'on va directement à l'essentiel, on traite directement le sujet qui intéresse le client, on octroie tout son temps à la personne. C'est impensable d'imaginer qu'un formateur... Mais il faut pouvoir se le payer quand même. Par exemple, soyons concrets. J'ai acheté un nouvel ordinateur, je suis complètement paumé, il y a plein de trucs que je n'arrive pas à mettre en route. Il faut combien? Ça coûte combien un cours privé, finalement, un cours particulier? Alors, je demande, mon tarif est de 39 euros pour une heure. Alors, j'ai beaucoup réfléchi sur ce tarif, j'ai beaucoup consulté différents concurrents. Je suis un des plus compétitifs en Wallonie. Et pour une mise en route, pour une première initiation à domicile sur un ordinateur par exemple, en comptant une heure et demie, on peut déjà aller très loin. Il faut compter le déplacement aussi. Le déplacement, hein. C'est ça.

Prince sur Vivacité avec le titre Spirits. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. C'est son job du mercredi. Tom nous présente quelques applications pour téléphone mobile qui coûtent bien cher. Ou, ah non, pas non, il y en a à tous les prix, les téléphones. Oui, il y en a tous les prix. Il y en a pour tablette, il y en a pour ordinateur aussi. Il y en a pour tout. On parle pour tout le monde. D'applications, on parle de quoi aujourd'hui ? Mais aujourd'hui, on est le 12 octobre et c'est la journée mondiale pour la vue. Et donc, on va parler d'applications qui permettent de tester sa vue et d'en prendre soin. Il faut savoir qu'en Belgique et dans les pays industrialisés, une personne sur 1000 est aveugle et une sur 100 est malvoyante. Ce sont des estimations de l'OMS. Alors, la cécité, il y en a de moins en moins. Donc, des gens aveugle, il y en a de moins en moins au fil des années, mais la malvoyance avec le vieillissement de la population, il y en a de plus en plus. Alors cette journée mondiale pour la vue, le but c'est d'être mieux sensibilisé à des manifestations qui sont organisées dans le monde entier pour célébrer cette journée. Alors on va découvrir des applications en rapport avec la vue, c'est bizarre parce que pour protéger ses yeux déjà j'ai envie de dire éviter d'aller trop souvent sur les tablettes. On va baisser la luminosité des écrans ça, avant de tester les applications. Déjà. On parle de quoi ? La première, c'est Glasses Off. Ça s'écrit en un mot, Glasses Off. L'idée de cette application, c'est d'éliminer la dépendance aux lunettes de lecture. Je ne sais pas si ici, autour de la table, certains d'entre vous utilisent des lunettes de lecture pour lire. C'est pas... Ça va, moi, oui. Il n'y a pas de honte, hein. Bon, ici, l'application, en fait, c'est un programme qu'il faut suivre. Alors, c'est gratuit pour la version d'essai. Après, il va falloir payer 8€ par mois quand même. Ah ouais. Mais c'est quelque chose d'assez sérieux, puisqu'apparemment, selon les créateurs de l'application, ça a été développé par une équipe de chercheurs d'élite en neurosciences. Ah, d'accord. Donc, à tester. Apparemment, ça a été testé. Il y a eu des études qui ont été faites et ça fonctionne assez bien. Donc, en gros, vous devez consacrer 12 minutes par jour, 12 minutes par séance, et vous devez tous les jours donc, faire des exercices de vue un peu particuliers qui vont vous permettre d'améliorer votre vue. Pourquoi pas ? Ça, c'est la première application. La deuxième, c'est l'appli qui s'appelle Tester votre vue. Elle va permettre de... Tester votre vue ! Ah, effectivement, on va pouvoir tester plein de choses. L'acuité visuelle, l'astigmatisme, la duochromie, le test des couleurs, enfin bref, c'est une application gratuite pour le coup qui va permettre de faire toute une série de tests. Alors, c'est le moment où on va réfléchir un petit peu. La myopie, c'est quoi ? Quand on est myope, on a quoi ? On voit pas bien de loin. On voit pas bien de loin, donc diminution de l'acuité visuelle, donc la capacité à voir les détails de loin, c'est à cause du fait que l'œil est trop long. Et donc l'image se fait avant la rétine. D'accord. Et l'hypermétropie, c'est l'inverse. L'œil est trop court, donc l'image se fait derrière la rétine. Et donc on ne voit pas bien, c'est flou à toute distance, mais particulièrement de près. D'accord. Voilà. Donc, mais ça ressemble un peu au test qu'on fait chez l'ophtalmologue, vous voyez, quand il met les lettres et tout ouais, ça. C'est ça. Moi, exactement. Je triche, hein. J'ai toujours une lettre au hasard comme ça. Une chance sur 26. Et quelquefois, à force d'aller, il y en a qui connaissent le tableau par cœur. Mais c'est ce que j'allais dire, moi je le connais par cœur. Mais c'est pas drôle, il ne faut pas tricher parce qu'en plus, c'est effectivement un test très semblable qu'on va faire ce soir à la télé depuis l'application. Donc c'est sur l'écran de l'application. D'accord, on teste ça ce soir. Et puis, une dernière application, et ça il va falloir vraiment regarder ce soir parce que c'est une appli où on peut tester les lunettes de son choix. Est-ce que vous avez une tête à lunettes ? On ne sait pas. Mais ça, c'est intéressant. Et parce là, que tu sur passes... son visage, en 3D, on va pouvoir tu voir. Tu passes tellement de temps à choisir des bonnes lunettes que si tu peux avoir une application, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est encore plus chouette. On voit ça à la télé ? Avec plaisir. Oui, j'espère qu'on va bien voir. Ce serait con en même temps. À la télé, à partir de 18h30, Louis Bertignac. Et Les Visiteurs, c'était le nom complet du groupe en 1980, et des Raouettes avec ces idées-là. Bébé, faudrait rentrer, tu vois. Je suis en mal-être avec toi. La machine à café détraquée, les cendriers tous renversés. Des heures passées devant la mire de ma télé. Des nuits sans dormir, à me demander où tu peux bien aller. Faut pas me laisser traîner là. Salut.

recklessly. That's the way it was. Happened so naturally. I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling most of treasure. C'est le titre, Ain't Nobody Loves Me Better, c'était Félix Gilles. Et c'est quoi ton problème? Nous? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. C'est Catherine qui a un problème. Bonjour Catherine, vous avez surtout une question, Catherine. Question concernant un billet d'avion que vous avez acheté le 8 octobre sur le site de Brussels Airlines. Vous avez changé d'avis et donc votre question est... Ah ben voilà, donc j'aurais voulu savoir si le droit de rétractation de 14 jours valable pour tout achat sur l'Internet l'était aussi pour l'achat du billet d'avion. Donc je me tourne vers Annie, ah ben, billet acheté le 8 octobre. Oui voilà, on est dans les délais, mais malheureusement, vous avez raison sur les 14 jours, mais pour vous, malheureusement, ça ne s'applique pas. Il existe une exception pour les services d'hébergement, le transport, c'est le cas ici, les restaurants et les loisirs, quand tous ces services doivent être fournis à une date donnée ou au cours d'une période précise. Oui. Et donc, il n'y a pas de possibilité de faire marche arrière. Donc, ce délai, fameux délai de 14 jours, ne convient pas et ne fonctionne pas. Donc, on n'y a pas droit, soyons clairs, quand on achète un billet sur Internet. Et vous n'êtes pas la seule à poser la question parce que, de temps en temps, voilà, on a vu un billet, oh, c'est pas cher, et puis pour des tas de raisons, on a changé d'avis. Eh bien non, on ne peut pas, sauf à ce moment-là, aller lire les conditions générales de la compagnie aérienne, mais en général, vous savez bien que ce n'est pas possible. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas de remboursement. Mais donc, si on achète par Internet, vous oubliez le fameux délai de rétractation, donc de réflexion pendant 14 jours. Mais pour ce genre de cas pour précis... Pour ce genre de coup, donc je répète, les services d'hébergement, les transports, donc on est dans le cas, vous réservez un billet de train, par exemple, par Internet, c'est la même chose. Hein. Vous êtes dans le cas d'un transport, les restaurants, le loisir, et ça vaut également pour les achats de billets de concert. C'est pas cool, ça? Voilà. Et le loisir, c'est un peu vaste. Oui, c'est vaste. C'est assez vaste. Et donc, c'est bon à savoir, ça veut dire que vous pouvez peut-être modifier tout ce que vous voulez, mais faire marche arrière, résilier, se rétracter de son achat, ce n'est pas possible. Et attendez, là, c'est un achat, c'est, le montant c'était combien? Vous alliez où? En fait, l'idée c'était d'aller où? Donc normalement, c'était un départ pour Toulouse et le billet revenait à 192 euros, je pense, aller-retour. Quand même. Quand même. Donc, il faudrait peut-être, vous, si vous ne voulez plus aller là-bas, enfin bon, vous avez bien compris qu'annuler, ce n'était pas possible, mais peut-être contacter la compagnie aérienne Brussels Airlines pour savoir s'il n'y a peut-être pas moyen de modifier, j'en sais rien, mais il faut absolument aller voir les conditions générales. Ouais, alors, vous me posez la question, ça concerne beaucoup de choses, mais oui, c'est, on réserve un voyage, un billet d'avion, vous réservez une chambre d'hôtel, parce que vous ne la réservez pas pour dans 6 mois, vous la réservez à un moment très précis, une voiture de location par Internet, eh bien, vous ne disposez pas de cette faculté de faire marche arrière pendant 14 jours. Ça change la donne. Bon, désolé Catherine. Enfin, en tout cas, on a répondu à la question, mais désolé pour vous sur ce coup-là. Peut-être s'arranger directement avec la compagnie aérienne pour voir s'il y a moyen éventuellement de changer les dates. Oui. J'avais envie de revenir avec vous, Annie, sur une arnaque présent qui concerne, qui pourrait concerner tout le monde. Exactement. On y parle d'huissier là-dedans. On a été prévenus par les huissiers de justice. Figurez-vous qu'il y a des fausses mises en demeure. J'en ai une sous les yeux qui circulent, qui sont donc adressées à vous, à moi. On utilise l'entête d'une étude d'huissier. De temps en temps, vous avez les bons noms de famille, mais vous n'avez pas les bons prénoms. De temps en temps aussi, l'adresse n'est pas exacte. Et par exemple ici, c'est auto-école, permis réussi, on vous réclame 135 euros. D'accord. Mais quand vous voyez ça, je vais vous le montrer. Mais ça fait vrai. Hein, ça fait vrai. Et donc, on utilise les noms d'études d'huissier. Par exemple, à Bruxelles, il est super connu, Marc Leroy. Et bien voilà, il y a des fausses mises en demeure qui circulent. Donc, il y a un dossier qui est ouvert au parquet. On a signalé également au SPF Économie. Donc ben voilà, c'est une enquête qui va prendre son temps parce qu'il faut savoir qui a fait ça. Donc si jamais vous recevez une mise en demeure d'une étude d'huissier, d'abord vous vérifiez les adresses et les noms. Vous allez sur le site de la Chambre nationale des huissiers de justice, facile à trouver. Et si vous vous rendez compte que ce n'est pas les bonnes coordonnées, vous téléphonez quand même par acquis de conscience, mais méfiez-vous, vérifiez absolument les noms, les prénoms et les adresses. C'est une arnaque qui circule en ce moment. Dans un instant, on jette un petit coup d'œil sur la page Facebook où on vous posait une question. Ça concernait la première classe dans les trains. Oui, on vous demande si c'est encore utile d'avoir une première et une deuxième classe. Si ça coûte trop cher la première classe, dites-le nous sur la page On n'est pas des pigeons. Et on vous lit dans 5 minutes. Maintenant chez Ici Paris Excel, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparisexcel.be. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends. Quoi ? En fait, il y a une autre pub d'abord. Ah. Tiens, hier, Madame Carlier est venue me trouver dans le magasin. Je lui dis, toi, Sylvie, tu as besoin d'un bon conseil vin pour ce soir. Elle m'a dit, Pierre, tu sais toujours de quoi j'ai besoin. Et c'est vrai, hein, chez Spar, nous connaissons bien nos clients. Nos entrepreneurs Spar ont toujours de belles offres pour leurs clients. Jusqu'au 2 novembre chez Spar, vous profitez ainsi de 25% de réduction sur 25 vins. Infos et conditions en magasin. Spar Colruyt Group, toujours avantageux. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Le plus impatient des réseaux présente... Ah, attends encore. Sois pas si impatient, toi, dis. À la recherche d'une voiture neuve ou d'occasion, trouvez-la parmi plus de 120 000 véhicules sur le nouveau site du Moniteur Automobile. Moniteurautomobile.be, l'actu auto en temps réel. Le plus impatient... Attends, quoi ? Bon. Le plus impatient... Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Huawei P9 Lite pour seulement 9 euros avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Proximus, infiniment proche. Docs is style. Docs is wow. Docs is fun. Docs is yummy yummy. Génial. Cinéma. Docs is culture. Music. Fashionista. Expo. Youpi. Docs is lingerie. Docs is comme tu es belle. Delicious. Docs is men. Woman. Kids. Me. Docs Bruxelles is you. Dès le 20 octobre, venez vivre une expérience urbaine inédite dans le tout nouveau shopping district de Bruxelles au Pont Van Praat. Venez découvrir Docs Bruxelles. Ouvert le dimanche 23 octobre. Plus d'infos sur docsbruxelles.be. Une concession automobile qui offre 3 ans de garantie et lave gratuitement votre voiture ? Non, vous ne rêvez pas. Chez Land Rover Drogon Boss, à l'achat d'une Land Rover de stock, vous recevez 3 ans de garantie, plus 3 ans de garouage gratuit. Découvrez notre vaste assortiment de modèles en stock chez Land Rover Drogon Boss. Offre valable également chez Land Rover Brussels à Zaventem et Waterloo. Vivacité et la Une présente Amadeus. Une intrigue palpitante qui raconte la confrontation légendaire entre Mozart et Salieri. Amadeus, une œuvre magistrale au succès éclatant. Au Théâtre des Galeries du 26 octobre au 20 novembre. 02 512 0407 ou trg.be. Avec le Vif l'Express et le soir. et le lac se dessine. Courageux et fort, où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre cime. La forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimer sur les bords. De s'aimer sur les bords du lac. Avant de rejoindre ce lac, nous allons prendre le train et nous aimer en première classe, peut-être ou pas. On vous pose cette question sur Facebook. Utile ou pas utile la première classe dans les trains? Il y a un petit peu de tout dans les commentaires. On a par exemple Laurent qui nous écrit « À toutes celles et tous ceux qui disent que c'est trop cher, on n'oblige personne à payer, seuls ceux qui le veulent. Et pour le confort, vous oubliez le confort autre que le siège, c'est-à-dire le calme et ça. » Ça n'a pas de prix sur un long trajet. Étienne nous écrit « Oui, elle doit toujours exister la première classe, mais pas comme dans les nouveaux trains où la seule chose qui diffère de la seconde classe, ce sont les deux marches et une poubelle. Il faudrait de vraies premières classes avec des sièges confortables et du wifi par exemple. » Le wifi, ça va arriver. Hein, normalement, dans les trains, même dans les deuxièmes, c'est en train d'arriver. Alors Christelle, elle nous écrit, elle ne doit pas disparaître la première classe. Pour faire régulièrement Bruxelles-Arlon vers 5h du matin, le calme est appréciable. De plus, à ces heures-là, comme il n'y a pas grand monde en début de parcours, je trouve sécurisant de voyager avec les contrôleurs ou les gens de la SNCB qui partent au travail et bénéficient de la première classe. Encore une ? Allez, encore une. Allez, Maureen. En tout cas, elle ne devrait pas exister lorsque les trains sont bondés et que les deuxième classe, les personnes sont les uns sur les autres dans les deuxième classes, debout ou même assis par terre, tandis qu'en première classe, il y a quasiment personne. Oui, mais on l'a entendu tout à l'heure avec la porte-parole de la SNCB, le contrôleur peut décider de déclasser la première classe, le cas échéant, s'il y a trop de monde, ça arrive parfois. On n'a pas fait ça dans le Titanic. Hein. Non, vous êtes très nombreux à réagir par rapport aux premières classes, tellement nombreux qu'on va encore vous lire dans quelques minutes. La 2, en télé. Qu'est-ce que je fais là ? Vous vous déplacez toujours plus à droite. Eh ben voilà, je fais Charles Michel. Retrouvez l'équipe du Grand Cactus ce jeudi soir sur la 2. Imaginez-vous vivre dans une maison Étienne Piron. Laissez-vous guider et découvrez notre savoir-faire unique

Non, bon, on va peut-être se contenter des autres réactions sur la page Facebook concernant la première classe dans les trains, tiens. Oui, celle d'Anne-Laure, par exemple. Si la SNCB est un service public, il n'y a pas de raison de conserver deux classes. Payons-nous plus cher pour ne pas faire la file à l'administration ? Non ! Tous les citoyens financent les services publics, donc un service égal doit exister. Alors Patrick, il nous dit, premièrement, petit cours de vocabulaire. On parle de voiture pour les passagers et pas de wagon. Les wagons, c'est pour les marchandises. D'accord. D'accord, Patrick, on a noté. Cela étant dit, je trouve que ce clivage est moyenâgeux. Aujourd'hui, il ne devrait plus y avoir de différence de classe, où que ce soit, dans le train, l'avion, etc., qui favorise les plus nantis au détriment des moins aisés. Cédric, à voir le peu de personnes qui fréquentent la première classe, je pense que ce n'est plus tellement utile de l'intégrer que finalement, on ferait bien de remplacer les voitures de première classe par la deuxième classe, comme ça, il y aurait plus de places assises. Alors, Jean-Michel, lui, ne veut pas qu'on touche à la première classe. Avec 2 fois 1h15 de trajet par jour, il est possible de travailler avec son laptop en deuxième pour le trajet aller, mais pas pour le trajet retour. Et si on parle de première classe aujourd'hui, c'est parce que les chiffres sont là, il y a 4% des voyageurs qui utilisent uniquement la première classe. Vous pouvez évidemment poursuivre le débat et y aller de vos petits commentaires sur la page Facebook. She was a friend of a friend of mine. I noticed her, she passed me by. She didn't even look me in the eye. I tried to think of things to say. I poured some wine, but she looked away. I didn't even talk to her that night. For a while, I thought I stood a chance. The way she smiled, so sweet. For a while, I thought I'd figured her out. That we were meant to be. But she said no, no, no, she just said no, no, she said no, no, no. My place. I felt the door slam in my face. Spent a long time standing in the rain. I've been on the losing end. All my dreams seem just pretend. Once or twice thought I would go insane. For a while, I swore I stood a chance that I was back on my feet. Was meant to be, but they said no, no, no, they just said no, no, they said no, no, no, no, they said no, no, no, they just said no, no, they said no, no, no, le fidèle compagnon de Tintin vient de sortir un nouveau disque. Milao avec No No No. Elle est con, hein. Ah oui, mais elle est drôle. Bonjour monsieur, bienvenue chez Volkswagen. Mais salut, dis, comment tu vas? Bien, merci monsieur. Et vous-même? Bah écoute, ça va pas mal. Il paraît que tu fais la Polo à prix d'un mille à 9 890 euros. Oui. Ah bah je me suis dit, tiens, j'irais bien rendre visite à mon ami Thierry. C'est Jean-Pierre. Ah oui, Jean-Pierre. Et comment tu vas, Jean-Pierre? Jusqu'au 27 octobre, conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Polo à partir de 9 890 euros. Prix d'ami. Prime de recyclage conditionnelle de 1500 euros déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. On n'est pas des pigeons. Et on termine cette émission avec le coup de gueule de Patrick. Si vous programmiez de la musique apaisante plutôt que de la musique rythmée, je pourrais peut-être passer un agréable temps de midi. Parce que oui, il faut de l'appétit pour manger dans une discothèque. Il parle de vivacité et de la programmation musicale. Bah oui. Un peu trop boum boum. Bah oui. Alors Matt Pokora, je relis un peu ce qu'on avait. Matt Pokora, c'est un peu boum boum. Le lac avec Julien Doré, c'était non, ça, assez ça cool. Strumbella, c'était pas trop. Bertignac, c'était Alison. Non. Patrick, mais... vous êtes de mauvaise foi, hein. Non. Et en plus, il travaille dans une discothèque. En plus. Mais non, bon, si vous avez des trucs à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. Mais vous pouvez entrer en contact avec la rédaction aussi via le mail pigeon@rtbf.be, sans oublier les numéros. 070 222 660, vous expliquez bien de quoi il s'agit. et le SMS au 3063, 50 centimes le message. On a perdu une partie de l'équipe, équipe qu'on retrouvera ce soir sur la Une Télé à partir de 18h30. La vie du bon côté, Sylvie Honoré, vous prenez le relais et vous êtes en direct du salon de l'éducation de Charleroi. Oui, j'ai pas suivi votre dernière blague. Non plus, on n'a pas tout compris. Parce que je sais bien qu'il y a une blague à chaque fois, juste avant de prendre l'antenne, donc j'essaie de suivre, mais là j'ai pas suivi. Oui, je suis en effet au salon de l'éducation de Charleroi, le salon Éduc, le salon des outils pédagogiques et de l'équipement pour l'éducation. C'est le rendez-vous obligatoire de tous les professionnels de l'éducation, les enseignants, les chefs d'établissement, les logopèdes, les inspecteurs, les agents PMS, les éducateurs, les conseillers. Il y a 20 000 visiteurs chaque année qui sont reçus ici, découvrir, rencontrer, échanger avec 200 exposants qui vous présentent tout ce dont enseignants, professionnels de l'éducation, chefs d'établissement a besoin pour enseigner, encadrer, gérer l'école. Et dans ce cadre, dans le cadre de notre présence ici, nous allons avancer le sujet, la thématique, comment préserver nos enfants des dangers d'Internet et des réseaux sociaux, parce que c'est la journée de l'éducation aux médias aujourd'hui, en ce mercredi 12 octobre. C'est donc ce que nous allons aborder en direct du salon de l'éducation de Charleroi. Comment prévenir nos jeunes? Comment les outiller? Et nous nous sommes outillés de deux livres écrits par Virginie Thiou, en tant qu'experte aussi en droit européen des télécommunications et des nouveaux médias. Bonjour Virginie. Bonjour Sylvie. L'histoire de Clicky. Vous étiez déjà venue, je pense, l'an dernier, hein, présenter le premier tome. Alors ici, il y a un deuxième tome et on aura l'occasion de voir avec vous ce que vous avez fait depuis l'année dernière, parce que je pense que Clicky, votre petit personnage que vous avez créé donc dans vos livres, aide à prendre conscience de l'ampleur de la révolution qui est en cours, à s'adapter, à sensibiliser les parents, les grands-parents. Donc on papotera avec les adultes aujourd'hui de ce sujet assez sensible. Comment outiller nos enfants, comment bien les mettre en garde et les préserver des dangers d'Internet et des réseaux sociaux. 070 23 33 23, SMS 30 63. Vous prendrez la parole juste après le journal de 13h et juste après le point météo que voici. Attendez-moi. Oh, il est mou celui-là. Mais arrête d'être piquant toi, c'est une crème. T'es gentil. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APAC W. Bonne journée à tous. Le ciel reste menaçant, sauf sur l'extrême sud du pays, mais on note encore quelques fines bruines ou fines pluies qui se déplacent de l'Allemagne vers la France, une fois n'est pas coutume. On ne dépassera pas 8 à 12 degrés aujourd'hui, avec un vent modéré, ce qui accentue un peu l'impression de fraîcheur. La situation redeviendra plus calme la nuit prochaine, avec à nouveau quelques petites gelées possibles, minima de 1 à 5 degrés, mais au sol, cela pourrait être par endroits de légères gelées blanches. Demain, des éclaircies, ensuite un ciel plus nuageux l'après-midi, 9 à 14 degrés, mais toujours un vent modéré de secteur est. Vendredi, on s'attend à ce qu'il y ait quelques averses et un petit peu de pluie, mais pas avant la fin de l'après-midi et la soirée. Le week-end, lui, s'annonce nettement plus clément, avec progressivement des éclaircies et de 15 à 18 degrés. Bon début d'après-midi à l'écoute de Vivacité, il est 13h. L'ancien ennemi public numéro 1, Salah Abdeslam, n'a plus d'avocat depuis qu'il a quitté la prison de Bruges. Le seul terroriste encore vivant des attentats de Paris ne dit plus un mot. Ses avocats ne voient donc pas à quoi il pourrait encore servir. L'homme se présentera seul devant le juge d'instruction de Paris le mois prochain. Les clients de la SNCB appelés à tester les nouveaux services de